Guillermo Guise, que voici tout de suite avec son film. Allez, te laisse pas impressionner, Guillermo. Bah ouais, très bien, ça trop content de te voir. Ouais. Ouais. Ah, je vais vous parler d'un truc que j'ai jamais compris. Quoi, les règles du jeu pyramide? Non, ça va mieux depuis que j'ai eu une formation avec Pupita. Non, le truc que je comprends pas, c'est au sujet des complots, en fait. Et je vous dis direct, moi j'ignore si Bill Gates veut réellement nous implanter une puce via un vaccin. Honnêtement, avec Bill, on parle jamais de ça. Voilà, on se détend parce que ça veut dire que nos meufs s'entendent bien, mais ça s'arrête là, quoi. De temps en temps, après le limoncello, je lui fais « Bill, vas-y, déclare sur ton agenda caché ». Il me fait « Non, it's a secret ». Je fais « Forcément, it's the principe ». Bon, là, il y a Juliette Binoche. Là, il y a Juliette Binoche qui arrive et on joue au Kems. Comme par hasard. Moi, les complots, on m'en propose jamais, alors que je garde hyper bien les secrets en plus. Hein, Nagui? Hein, c'est Nagui. Vrai. C'est vrai. L'histoire de la kétamine que vous donnez au candidat, n'oubliez pas les paroles. J'en ai parlé à quelqu'un? Non, parce que ça me brûle les lèvres. Ça me brûle les lèvres de dire pourquoi ils ont toujours des trous de mémoire pendant voyage. Eh bien, le prochain complot, moi j'aimerais bien pouvoir être inscrit. Parce que, ça existe, historiquement, il y en a eu, il y en aura encore. C'est d'ailleurs pour ça que les films de complot, ils sont au rayon suspense, pas au rayon science-fiction. Et je tiens à remercier mes parents, sans qui ce trait d'esprit n'aurait jamais pu voir le jour. C'est clairement le point culminant de cette chronique, je vous préviens. Après, ça va décliner de ouf. Ouais, ouais. Je vais quand même vous faire la suite pour les droits d'auteur, mais c'est pas du même niveau. Mais bon. Donc, ce que je comprends pas avec les complots, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, les gens qui croient au complot, on les tourne en ridicule. Alors que dans les films, les gens qui croient au complot, à la fin du film, ils ont toujours raison d'avoir cru au complot. Je vous avais dit, c'est moins bien. Et encore, vous avez pas entendu mon exemple. Prends JFK d'Oliver Stone. On n'est pas tous chauds pour que ce soit un complot. Si à la fin on dit, finalement, c'était vraiment Oswald qui a tué Kennedy. On fait, super, à ce tarif-là, j'aurais préféré regarder l'instit. Tu vois? Dans JFK, t'as qu'une envie, c'est qu'à la fin on dise, mais en fait, le vrai coupable, c'était Umtiti. Et oui, j'ai vérifié. Il n'y a aucune loi qui interdit d'utiliser la même vanne 180 fois. J'ai demandé à Daniel, il connaît toute la jurisprudence. Mais c'est vrai? Un héros. Ça m'énerve, je vais écouter du Queen, moi. C'est vrai, un héros qui se débat dans une machination des élites, il y en a partout au cinéma. Genre, je sais pas si vous vous rappelez de ce film de complot qui s'appelait Complot, où tu repensais au titre et tu disais, on pourra pas dire qu'ils nous ont pas prévenus, en tout cas. Eh ben, comme dans tous les films du genre, l'intrigue, elle repose sur un mécanisme. À savoir que Mel Gibson, il découvre un complot et au début, il passe pour un fou, ok? Ben, voilà. Le truc, c'est que d'après les sondages, il y a de plus en plus de monde qui croit aux théories des complots. Du coup, ce genre de film, à moyen terme, ça va être plus compliqué à scénariser, je pense. Tu vois, genre, c'est le président qui est au cœur de la machination! Oui, probablement. Oui, ben voilà. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis depuis le début. Cut, fin du film. Vous savez, Mel Gibson aujourd'hui, dans le même film, il ferait juste une vidéo tournée dans sa voiture en mode, ben bravo, la version officielle. Alors, vous êtes bien naïfs. Bim, 60 000 partages, un like de Donald Trump. Sérieux. Ça devient mainstream, les théories du complot. Moi, perso, je suis pas très sensible à ça dans la vraie vie. Mais c'est parce que je suis trop fainéant pour essayer de déterrer les sens cachés des événements. Franchement, je me dis, de toute façon, s'il y a un truc caché à savoir, à un moment ou à un autre, Élise Lucet va me le raconter. Moi, je veux bien croire au complot. C'est vrai, c'est vrai. Élise Lucet. Après ça, je retourne jouer au Kems. Bonne émission, les amis. Merci, Guillaume Guise. Bravo. Non, pas bravo, arrêtez.